Écoutez ce qui s'est passé ce matin en conférence de rédaction. Non, moi j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Tu officialises ta liaison avec Gérald Darmanin. Comment ? Non, on a une nouvelle chroniqueuse littéraire. Mais Clara ! Mais Clara revient lundi. Comme ça tu pourras continuer à faire ton Roméo de Monoprix là. Mais c'est qui alors ? Ah, vous avez envie de savoir. C'est Nabila. Non. Mais pourtant elle aime beaucoup les livres. Ah oui, sûrement. Oui, elle en a même écrit un. Non, c'est pas elle, c'est Juliette Arnoux. Chouette. En plus je pourrais continuer à faire mon Roméo avec Juliette. Excellente vanne. Bon allez, hop, les thèmes. J'ai lu un article sur le vote obligatoire. Ah oui, ça j'aime bien. Tout le monde est d'accord ? Allez, on fait vote à main levée là. Alex, tu lèves pas la main. Ça m'est égal, moi. Bah, donc ça te plaît ? Oui, enfin non, pas vraiment. Et quoi, tu préfères notre sujet ? Non, mais c'est bien. Non, mais c'est pénible, tu sais, proposition, s'il te plaît. Mais non, mais faites sans moi, t'as fait un vote, c'est deux pour, un contre, donc c'est pour. Je vais prendre une décision, d'accord. Je rends le vote obligatoire, comme ça tu seras obligé de t'impliquer. Mais j'aime pas m'impliquer, j'ai pas l'habitude. Oui, bah, c'est bien ça le problème. Allez, hop, on vote, allez, tout le monde là. Voilà, 3-1, donc on traite le sujet. Tu vois, si t'avais voté contre, ça faisait 2-2. Comme quoi, c'est important le vote. Je sais, je m'en suis rendu compte, c'est pour ça que j'ai voté pour. Très bien. Bon, alors maintenant que le vote est obligatoire, je voudrais lancer un autre suffrage. Qui vote pour que Charline officialise sa liaison avec Gérald Darmanin ? Non, toi ? Moi, je m'abstiens, je vote pas, non. Le vote obligatoire. Eh ben, de toute façon, 3-0, c'est officiel. Vous êtes fous, mais j'ai pas envie de passer ma vie à Tourcoing, moi. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui attache l'actualité au radiateur. Et voici les trois informations qui vont finir ligotées jusqu'à 18h, thermostat 8. Et si le vote devenait obligatoire, ça réglerait une bonne fois pour toutes cette plaie démocratique qu'est l'abstentionnisme. Après, pour les phobiques du vote, bah là, on peut rien faire. Mais je peux pas ! Laisse-toi aller ! J'y vais, mais j'ai peur ! Quant à l'abstentionnisme au Sénat, il va être vite réglé par une présence obligatoire dans l'hémicycle sous peine de se voir réduire ses indemnités de sénateur. L'absence au Sénat, c'est un vieux problème. Eh bien, nous ne sommes que trois. Les autres sont aux putes. Le PSG a gagné par match nul contre Chelsea. 2-2, mais Paris a gagné. Si, la preuve, la joie immense des Parisiens et des Parisiennes dans la capitale hier soir. C'est vous, Charlie? Alias Megraya. On a beaucoup travaillé ce matin avec Alex Vizorel. Pour menoter ces trois informations, je suis accompagnée de Alex Vizorel. Mais oui, aujourd'hui autour de la table, une petite nouvelle, un ancien et puis un best-of. Je vous remets tout ça dans l'ordre chronologique à 17h20. Celui qui est tendu, car ce soir il doit décider qui sera la nouvelle star 2015 dont on n'entendra plus parler en 2017. Leur carrière étant aussi précaire que les raisonnements philosophiques d'André Manoukian. Quoi ? Bonjour André. Bonjour Alex, bonjour Charline. Alors, c'est pas moi qui décide, déjà c'est le public. Et aujourd'hui, on est le 12 mars. Et le 12 mars 1955, s'éteignait un des plus grands génies du saxophone. J'ai nommé Charlie Parker. Donc tout à l'heure, je vous parlerai de Charlie Parker. Hommage. À 17h30, on réécoutera Guillaume Meurice dans l'une de ses plus belles sorties. C'était début février. Il s'était rendu les yeux remplis de petits papillons au Conseil National de l'UMP, car il allait y rencontrer la femme de sa vie, Nadine. Je sens que ça vous titille quand je vous dis, mais on s'aime plus que jamais. C'est beau. Vous entendrez tout ça. Et à 17h40, celle qui a beaucoup fait pleurer Pénélope, et maintenant je sais pourquoi, c'est parce qu'elle lui offrait des livres. Celle dont la lecture est le violon d'Ingres, moi c'est la séduction, mais dans mon cas c'est un peu le ukulélé d'Ingres plutôt. Bonjour Juliette Arnoux. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour tout le monde. On est ravis de vous accueillir. Alors votre première chronique, elle parle de quoi ? Je vais essayer du moins de vous parler d'un livre qui s'appelle Un an après, qui a été écrit il n'y a pas longtemps par une femme, parce que tant qu'à faire, qui s'appelle Anne Wiazemski et qui est l'ancienne femme de Godard. Formidable. Très bien. Alors, si tu écoutes J'annule tout et sur Twitter, hashtag annule tout, nous sommes aussi sur Facebook pour tisser du lien virtuel. Chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Ça lui met la pression. Vous êtes né sous Pompidou. Vous chroniquez sur Canal Plus Sport en 2005 quand Michel Platini fête ses 50 ans. Vous mettez en scène une pièce intitulée Jacques le Plusieur au Splendide en 2012. C'est l'année où Jacques Cheminade se présente à la présidentielle dans un magnifique one-man show. Vous jouez au théâtre dans Le CV à partir de 2014, quand paraît merci pour ce moment. Ah. Et vous êtes, donc je vous laisse le dire, vous êtes. Je suis Samir Bouadi, je suis surtout très honoré de faire partie de cette petite bande. Oh, nous bien aussi, on est ravis de vous accueillir. Très belle voix. Oui, merci. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Oh oui, vous avez une voix de radio, Samir Bouadi. Ouais, et un physique aussi, il paraît. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est pas vrai. Juliette, vraiment très beau. Merci infiniment, c'est gentil. Oui. Bon, regarde Juliette. C'est vrai qu'il est beau, Samir. Vous êtes tellement gentil avec moi. Et vous êtes chroniqueur aussi sur l'équipe 21. Ouais, j'ai le plaisir de faire ça aussi le week-end. Ouais. C'est là que nous on vous a repéré. Vous nous avez tapé dans l'œil avec une magnifique chronique sur Yann Gourcuff que vous reliez à Charles Péguy notamment. Yann Gourcuff, on en parle plus en chronique que dans les commentaires sportifs. Donc c'est tant mieux. Vous vous donnez une dimension littéraire aussi au football, vous prenez de la hauteur, ce qui nous a assez fascinés. Et alors, vous avez aussi, j'ai lu, vous préparez un dictionnaire des cons et autres génies. Avec Agathe Colombier, avec qui j'écris beaucoup de livres, comme Le traité ultime, voire définitif, des banalités à l'usage des gens exceptionnels qui ne veulent pas le rester, ou les 26,5 auteurs qui n'existent pas. On est en train de commettre un dictionnaire des cons et autres génies. Et d'ailleurs, dictionnaire des cons, il y a combien de volumes? C'est à l'infini, hein, finalement, parce qu'en fait, l'idée, c'est de prendre des vrais génies, des gens qui ont vraiment marqué leur domaine, qui ont fait avancer la musique, le schmilblick, mais qui, au moins une fois dans leur vie, ont été très très cons, et ça nous rapproche du génie. C'est une façon un petit peu absurde de se rapprocher de la grâce et du talent. Alors, donc sur l'équipe 21, c'est la lettre anonyme de Samir Bouadi. Bah oui, parce qu'il faut toujours essayer d'être drôle quand on n'est pas drôle comme ça immédiatement. Voilà. Et puis, donc vous jouez le CV, vous jouez en ce moment là? Oui, enfin on tourne un petit peu, on est un peu en tournée, on sera en juin au petit Palais des Glaces pour la rodée en été avec Bruno Moineau, alias Monsieur Prescovitch, que tout le monde connaît, Bruno Moineau, avec qui j'ai le plaisir d'écrire et de mettre en scène des choses, de fabriquer des choses. C'est un vrai bonheur de. Voilà, on est potes, on s'amuse, on se prend pas la tête. On a eu des expériences un petit peu difficiles avec des pièces de théâtre où il y a beaucoup de comédiens, beaucoup d'égos. Et là, on a décidé de faire comme des jeunes hommes, c'est-à-dire de s'écrire des rôles sympathiques. Un jour, vous viendrez au one-man show. Je serai plus emmerdé. Dans une autre vie, j'ai joué des monologues qui étaient très chiants et très sérieux. Les monologues du vagin. Ah, oui, non, j'aurais pu le faire. J'aurais pu le faire. C'est les seuls monologues que je connais, je suis désolé. Donc le CV. Et puis, vous avez aussi écrit Le Polymantique, un dictionnaire verbeux de la politique. Donc vous intéressez, notamment vous êtes comédien, vous vous intéressez au théâtre, à la littérature, au foot, au sport et à la politique. Oui, beaucoup, mais parce que finalement, là, sont des monstres. Quand on parle de Laurent Terzieff ou de Louis Jouvet, on parle tout aussi bien de monstres politiques qui sont capables de masquer leur pensée. Talleyrand disait la parole a été inventée pour masquer la pensée des hommes. Enfin, je paraphrase très très mal cette histoire-là, mais les grands comédiens sont des fantômes à eux-mêmes, comme les grands politiques sont des fantômes à leurs engagements. Finalement, c'est fascinant la politique. Avec Abel Hermel, qui est un spécialiste, qui est un docteur en droit constitutionnel, je me suis amusé à détourner les mots. Par exemple, sénateur, on va en parler. Moi, j'avais écrit aux confins des salons à couffins, les confits fomentent sans fin, c'est-à-dire voilà, c'est de... Dites-le moins vite, ça. Alors aux confins des salons à couffins, les confits fomentent sans fin. Ah oui, bah oui. C'est pour ça qu'ils veulent rester, les gars. Et voilà, vous avez vu le niveau de cette émission qui part très très bien. C'est une allitération. Absolument. Voilà, c'est l'analyse littéraire déjà de Juliette Arnaud avec Samir Bouadi, notre invité, jusqu'à 18h dans Si tu écoutes, j'annule tout. Samir Bouadi qu'on peut voir au théâtre dans le CV, ce sera au Palais des Glaces à partir du 16 juin. Mais vous savez tout, vous êtes incroyable. Écoutez, on a travaillé. Bravo. Hein. Allez, go out, nous dit Blur, sur France Inter. Greedy go-getter gone, luxury of stuff. I'm seedy and the dancing with myself. I get into my bed, I do it to myself. Get up about. it all the time. The shepherd, the Santa, she's done it all again. I get ready to go, the Greco get a car. He going to the local. Western man, top part left undone. Imperious design, the peddlers of luxury. A greedy go-getter in the sky bar. She on her own. She get ready to go. She doesn't give herself. She does it with herself. She does it on her own. She does it on her own. Blur sur France Inter, dans Si tu écoutes, j'annule tout, en compagnie de l'auteur et metteur en scène Samir Bouadi, et nous sommes aussi avec... Eh bien, la surprise du jour, nous sommes avec Juliette Arnaud, qui remplace Clara, qui va nous parler livres avec André Manoukian, et tout à l'heure, il y aura du Guillaume Meurice à l'UMP, autant vous dire qu'il était ravi, comme un poisson dans l'eau. Il a rencontré Nadine Morano, il s'en est parmi, d'ailleurs, il n'est pas là cette semaine. Et on est avec vous, si vous voulez nous voir sur franceinter.fr, nous sommes en direct, vous pouvez nous voir comme on est beau, et comme notre invité est beau. Le André, vous n'êtes pas mal non plus. Oh, vous êtes gentil comme tout. Allez, on a feuilleté la presse, écumé la radio, revue de presse en pédalo, parce que c'est un pédalo. Il y a deux places. Hein. Charline Vanhoenacker. Non, mais je vous en veux pas, mais. Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et on revient donc sur ce fameux duplex dont on a déjà parlé hier, le duplex de Louis Baudin sur TF1, avec en arrière-plan les débris de l'hélicoptère. Oui, ce duplex a fait scandale. Et donc Louis s'est expliqué aujourd'hui, il s'est déclaré furieux car je ne voulais pas voir cette scène. Il s'est dit victime de malchance. Et donc c'est vrai que dans cette histoire d'hélicoptère, on peut dire que Louis est sans doute un des plus malchanceux. Oui. Passons à la politique. Oui. D'après nos confrères d'Europe 1, Nicolas Sarkozy aurait déjà une idée pour rebaptiser l'UMP. Il rebaptiserait le parti en l'appelant les Républicains. Oh, la classe Sarkozy serait un leader républicain, quoi, comme Lincoln, Roosevelt, Hoover... Ouais, comme George Bush, ouais. Ah ouais. Et Nadine Morano, ce serait un peu la Sarah Palin française. Oui, c'est ça. Il y a juste un problème, c'est que l'icône des Républicains, c'est un éléphant, ce qui est plutôt l'animal du PS. Ah ouais, donc il faut changer. Hein. Ouais. Mais alors, la poule, c'est déjà pris par Jean-Vincent Placé. La loutre, peut-être. Ouais, c'est bien ça, on dirait Hortefeu, Morano, NKM, les loutres du Parti Républicain. Et voilà, je pense que ça y va, tout le monde est content. Passons au PS. Oui, avec une sortie inattendue de Bernard Minet, l'ancien musclé, à propos de Ségolène Royal. Exactement, du temps où elle était députée, elle était entrée en guerre contre le club Dorothée et les dessins animés violents. Ah, il y a des combats politiques comme ça. Et Bernard, il pense que ça a pu porter préjudice à Ségolène pour la présidentielle. Écoutez. J'ai vu défiler, 80-90% des messages de la communauté de Dorothée. C'est de Ségolène, jamais. Depuis qu'elle a arrêté de club Dorothée, tout le monde, on me l'a dit des milliers de fois, c'est à cause de Ségolène. Et à un moment, au résultat, elle perd de 2 millions d'écart, je crois. Et voilà. C'est fou. Mais si vous analysez toujours par le prisme. Mais je ne savais pas qu'il était politologue. Ce qui est un peu plus triste, c'est qu'à l'époque, il avait écrit une chanson sur Ségolène. Rien ne pourra jamais. Et avec ses amis. C'est bien, c'est musical. On est obligé d'aller jusqu'à... Ségolène, Ségolène. Bah oui, mais non. C'est ah, qui a inventé là Ah non, c'est lui qui chante. En tout cas, bon, il en avait écrit, et ça, on reconnaît, une sur Sarkozy. Tu t'en vas Voilà, il dit Bioman, c'est parce qu'il a fait l'adapter, mais écoutez, écoutez, ça colle parfaitement à Nicolas. Nicolas. Voilà. Ça passe. On termine par un titre qui ne vous a pas échappé. Oui, un titre pour terminer, un titre qui vient des États-Unis. Ils pensent voler de la cocaïne et sniffent les cendres de leur papy. Voilà. C'est pas de mal, hein. Ils avaient volé une urne funéraire et ils ne savaient pas ce que c'était, donc ils ont essayé. Ah oui. C'était pas pire. D'accord. Bah, voilà. J'ai fait l'inverse, moi. C'est plus dangereux. C'est-à-dire que j'ai voulu sniffer mes grands-parents et j'ai sniffé de la coke. Mais par quel heure hasard. C'est, voilà. Les premiers sujets avec vous, Samir Wadi, parce qu'on met l'actualité dans la prise jusqu'à 18h. Si les abstentionnistes devenaient des hors-la-loi, bah, ça ferait des millions de hors-la-loi en France, oui. Vous me direz. Ouais. Alors pour ça, il faudrait rendre le vote obligatoire. L'idée fait son chemin parce que ce bel acte démocratique de voter se perd. Hein. Seule la moitié des Français résistent encore. On vit en France, c'est un pays démocratique. On peut voter pour changer les choses. Et c'est gratuit. Faut en profiter, t'es fou toi. Moi je rigole plus avec les élections. Là. Quand il y a des élections, la veille, je suis chez moi, je suis vénère, tu vois. Le jour des élections, on la sort de chez moi, alors là, je vais voter, tu vois. Ils vont voir de quel vote je se chauffe. Et quand j'arrive devant l'urne, ça me fait toujours la même chose. Je sais plus pour qui voter. Voilà, c'était Jamel. Alors, imposer le vote aux Français, au pays des libertés, je mettrai quand même un peu liberté entre guillemets en ce moment, ça risque d'être rock'n'roll. Est-ce que vous pensez que le Français va accepter ça? Bah, c'est-à-dire que la vraie question, c'est de savoir, d'abord, c'est surtout le non-vote, c'est surtout, oui, là, on comprend qu'un pays n'a pas envie de voter pour des raisons qu'on pourrait développer à perte de vue. Non, moi, le truc, que je ne sais pas trop quoi en penser, je vais suspendre mon jugement sur la question, mais en fait, moi, j'ai une proposition à faire, proposition aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait payer les gens qui vont voter. Je pense que ce serait vraiment la solution. Ah, il va y avoir un paquet de gens. À 35 euros, ça va faire cher. Hein. Bah oui, mais parce que mettre une amende de 35 euros à des gens qui ne vont pas voter, d'abord, je trouve ça, mais vraiment, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Un peu de calme, parce que nous, on est belges. C'est vrai, vous êtes belges. C'est le cas chez nous. Hein. Voilà. Plus cher et 10% d'abstention en Belgique. Mais moi, je trouve ça complètement, alors démagos, tout ce qu'on voudra, enfin les mots ne manquent pas, mais c'est surtout que maintenant, il faut payer les gens qui vont voter, parce que la bande de rigolotes là, qui s'occupent de nous, qui sont censés travailler, nous inscrire dans la durée, travailler pour nous, c'est-à-dire administrer un pays, tous ces gens-là, ces gens-là quand même, il faut peut-être à un moment donné qu'ils se posent des vraies questions sur leurs compétences, sur leur générosité, sur leurs envies de faire des choses dans ce pays-là. Pour donner l'envie d'avoir envie de voter. Mais je crois surtout que voilà, c'est-à-dire qu'en fait, comme disait Gérard Larcher ce matin, qui dit des choses très intéressantes, ce monsieur. Pourtant, je ne partage pas toutes ces idées. Gérard Larcher disait, c'est surtout une sorte de... Le président du Sénat. Absolument. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure. Il disait, c'est surtout, oui, c'est un thermomètre. On voit bien que les gens ont bien compris que ça ne servait un peu à rien. Les gens se font bananer à longueur de temps. Et après, on dit, ben non, mais vous allez voter parce que si vous ne votez pas, on vous prend de la thune. Mais en France, il y a beaucoup de pauvres. Hein. Et je voudrais juste ajouter que les gens qui ne vont pas voter, les gens qui décident que le fait de voter ne sert à rien, c'est aussi des gens qui ont une conscience, qui ont aussi une forme d'intelligence. Pas toujours. Ou qui vont à la pêche. Oui, ou qui vont à la pêche. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait de voter, qui pour moi est fondamental, c'est bien sûr, voilà, on va sortir les violons, on va dire, voilà, c'est un droit, c'est un devoir de voter, etc. Acquis de haute lutte. Dont acte. Acquis de haute lutte, comme le droit des femmes, qui est bafoué par certaines femmes aujourd'hui, qui se mettent elles-mêmes dans des situations de soumission. Voilà. Donc, de haute lutte ou pas, le constat, il est très simple. C'est que les gens ne croient plus à ce qu'on leur raconte. Alors, c'est vrai, c'est lénifiant comme propos, c'est même presque poujadiste, et je m'en excuse, mais taxer 35 euros, mettre une amende de 35 euros à des gens qui ne vont pas voter, moi je trouve que c'est une horreur. C'est comme quand la SNCF décide de mettre de l'argent dans le contrôle de la fraude, alors que dans le même temps, t'apprends qu'ils se trompent sur la largeur des quais, des rails et des machins. Avec notre pognon. On vous sent chaud, Samir Wadi, ça fait plaisir. Je rappelle que si vous aimez le vote ce soir, la nouvelle star, évidemment, vous pouvez payer pour voter. Alors justement, c'est là qu'on peut se poser des questions sur l'efficacité de la démocratie. Mais là, c'est un autre débat. Vous avez la parole, Gérard. Et donc là, alors, vous êtes d'accord du coup avec Jérôme Chartier, député UMP du Val d'Oise, qui dans le Parisien dit ce matin... Alors, il y a une proposition des Verts. Hein, François de Rugy qui propose... Voilà. Toujours une proposition des Verts quelque part. Et Jérôme Chartier, UMP, dit, voilà, une amende, c'est un peu comme une infraction de stationnement. Ça veut dire qu'être mal garé et s'abstenir, c'est la même chose. C'était sa conclusion. Ouais, mais je suis pas tout à fait d'accord avec lui, parce que lui encore, il s'inscrit dans un jeu de ping-pong. Moi, je pense qu'il faut réenchanter la notion de démocratie. En fait, il dit le contraire du camp d'en face. Voilà, ça, voilà. Bon, c'est un jeu. Non, c'est surtout que les gens, on ne crée pas de transcendance dans nos sociétés. Les gens vont ailleurs parce qu'il n'y a pas de transcendance. Voter, c'est un acte magique qui pourrait être même magico-religieux, qu'on a dépouillé de son sens. Et c'est surtout éduquer les enfants, les jeunes gens, leur expliquer pourquoi c'est important. Jamel l'a fait très très bien dans son sketch, et bravo. C'est plutôt ça qu'il faut entendre que des conneries, des niaiseries insondables. Donner des amendes de 35 euros à des gens qui d'abord n'ont peut-être pas les 35 euros. C'est tout devient... Voté. Bah qu'ils... Ah, okay. Mais oui, voilà, bah, mais c'est vrai, t'as raison. Après, c'est plus facile pour descendre dans la rue et gueuler. Après. D'autant qu'on peut exprimer son mécontentement face à toute la classe politique avec le bulletin blanc. Absolument, tu as raison. Et voilà. Donc à partir Vous avez de là... Tout dit. Voilà, Juliette Arnault, Samir Boisdi, un formidable duo de débat. Ça rigole pas. Et vous avez vu comment c'est chaud. Ça, c'est pour vous lancer, André Manoukian. Hein. Tout wow, ça n'est fait que pour cette vous chauffer. Chaleur pour me chauffer. Ça allez, patin à roulette. Je suis chaud brûlant, c'est lui qui va nous chauffer surtout. On est le 12 mars 1955, on est à Chelsea, dans un quartier de New York, on est dans un hôtel super cossu, on est chez une baronne, elle s'appelle Panonica de Königswarter, c'est une héritière de la famille Rothschild. Elle a été un peu mise au banc de la famille Rothschild parce que ses copains, bah, ils sont black, quoi, et puis que sa musique préférée, c'est le jazz, et qu'elle les recueille un petit peu tous, quoi. C'est un petit peu la Brigitte Bardot, non, enfin, laissez tomber. Ouais. C'est une aristocrate hyper élégante, qui tient son nom d'un militaire français qui s'appelait Jules de Königswarter. Ils étaient dans la résistance tous les deux. Bref, un couple assez génial. Elle est la fille de Charles de Rothschild, qui est un Rothschild de la branche de Londres. Et son papa était banquier, bien sûr. C'était un petit peu génétique et obligatoire dans la famille. Mais en fait, ce qui l'intéressait surtout, c'était de chasser les papillons et puis de collectionner les puces. En collectionnant les puces... Pourquoi je suis parti sur les puces? Mais c'est intéressant parce qu'il a trouvé la puce vecteur de la peste quand même au Soudan. Donc il a inventé aussi des manières de protéger les insectes. Il se passe quelque chose dans cette famille avec une histoire d'essayer de protéger peut-être des espèces rares et en voie de disparition. Quand il se retrouve dans un bled d'Europe centrale qui s'appelait autrefois la Pannonie, il trouve un papillon rare qu'on n'a jamais trouvé avant lui, décide de lui donner ce nom et il va le donner à sa fille. C'est pour ça que Panonica porte ce prénom d'un endroit, un très vieil endroit d'Europe centrale. Allez, on revient chez elle. On est en 55. Il y a un musicien qui est assis chez elle, il est très fatigué. Il doit aller jouer à Boston, normalement. Et puis sur la route, il ne s'est pas senti le courage, il s'est arrêté parce que, encore une fois, c'est Panonica qui les recueille tous. Elle recueille Thelonious Monk quand il ne va pas bien, elle recueille Bud Powell quand il ne va pas bien, elle recueille Charlie Mingus, elle est tous les soirs à leur concert. Celui-ci s'arrête, c'est Charlie Parker. Il doit jouer à Boston, encore une fois, mais il ne se sent pas trop. Il reste 3 jours chez elle, il est super inquiet parce que son manager, il va encore le pourrir, parce qu'il vient toujours en retard à ses concerts, parce qu'il a évidemment des problèmes de drogue et des problèmes d'alcool. Ce soir-là, ça va un petit peu mieux. Il se met en peignoir, il se met devant la télévision. Il y a un programme de jongleur. Il y a un jongleur qui joue comme ça. Puis pouf, la brique. Il jongle avec des briques et il y a une brique qui s'éclate par terre. Et Charlie Parker, ça le fait exploser de rire. Et il rit tellement qu'il va mourir. Il meurt de rire. Le médecin légiste arrive, fait le rapport. Et sur le rapport, il y a marqué « homme de couleur ». Âge approximatif, 60 ans. Sauf que Charlie Parker, il a 35 ans. En fait, il a usé sa vie. Il a usé sa vie, pourquoi ? Parce qu'il a toujours été à l'avant-garde et toujours en avance d'une guerre. Il y a certains gens, on dit que finalement, qu'ils crament comme des feux d'artifice. Et c'est ce qu'a fait Charlie Parker. Il apprend, il naît dans le Kansas dans les années 20. Il apprend le sax à l'âge de 11 ans. Il est pauvre, il n'a pas les moyens de se payer des cours de sax. Alors qu'est-ce qu'il fait, comme il n'a pas les moyens de se payer des cours ? Bah, il apprend les 12 tonalités. Vous savez, il y a 12 demi-tons, do dièse, ré dièse, etc. Sauf qu'à l'époque, si on avait de l'argent pour se payer un cours de sax, le prof de sax vous aurait dit, il n'y a que 2 tonalités à apprendre, le mi bémol et le si bémol, puisque tous les standards sont écrits dans ces tonalités. Le gamin, il ne sait pas. Donc, au lieu d'en apprendre que deux, bah, il va en apprendre 12. Donc, tout d'un coup, il va avoir déjà une liberté de vocabulaire absolument insensée. Comme il n'a pas, encore une fois, d'argent pour se payer des cours, bah, il marche à l'oreille. Et à l'oreille, il va relever tout ce qu'il entend sans arrêt. Et c'est pour ça qu'on va l'appeler Bird plus tard, parce que quand il joue, il se balade tellement que, bah, on dirait un oiseau. Et son rêve secret, c'est finalement de jouer comme le chant d'un oiseau. Alors, à force d'entendre des choses, y a un truc qui existe dans la musique qui s'appelle une note fondamentale et ses harmoniques. C'est-à-dire que quand on joue une seule note, nous, le commun des mortels, on va entendre un do. Sauf que sous ce do, il y a encore un do à l'octave, et puis un mi, et puis un sol, et puis un si bémol. Ça s'appelle des harmoniques, et c'est pratiquement des sons que seuls les chiens peuvent entendre. Donc il faut avoir une oreille de chien. Et Charlie Parker, non seulement il a la rage d'un chien, mais il a en plus ces oreilles-là. Et ce qui fait qu'il entend ces notes qui sont induites et que tout seul, d'instinct, il va repousser les limites de l'harmonie. Quand il arrive à New York dans les années 40, il va repérer des jeunes comme lui qui ont envie de faire bouger le truc. Parce qu'auparavant, le jazz, dans les années 40, c'est la musique populaire, c'est la musique qui fait danser. Ça s'appelle le swing. On va dans des bals, on danse, c'est une musique qui est assez pépère. Eux, ils ont envie de secouer un petit peu le cocotier. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont un petit peu bannis des autres. Vous savez, dans les musiciens, c'est un petit peu comme dans certaines tribus, il faut tuer le mal dominant. Bref, ils se retrouvent dans une boîte qui n'ouvre qu'à 4h du matin, qui est réservée aux musiciens. Et là, il y a Charlie Mingus, il y a Miles Davis, il y a Charlie Parker, il y a Thelonious Monk. Et ensemble, ils vont créer une telle émulation, ils vont aller tellement loin dans la musique que une fois qu'ils sortent de cette boîte à 6h du matin, ils se retrouvent chez le pianiste Thelonious Monk et là ils disent « Mais qu'est-ce qu'on a fait ?» Parce qu'ils sont partis tellement dans les délires et Monk analyse, ils sont en train d'établir les règles du bebop. Le bebop, c'est ce qui va faire exploser le swing, c'est ce qui va faire exploser les lois de l'improvisation et c'est ce qui va marquer toute une génération de musiciens. Vous connaissez les lois de l'improvisation. Les lois de l'improvisation, je suis trop fort, mais il va falloir s'arrêter, il va falloir conclure. On va écouter un morceau qui s'appelle Night in Tunisia, qu'on entend en ce moment. C'était la version de Dizzy Gillespie de Charlie Parker. La version qu'on va écouter, elle a été produite par le plus grand producteur soul dans les années 80. Il s'appelle Arif Mardin. C'était le producteur d'Aretha Franklin. Celle qui chante, elle s'appelle Chaka Khan. Celui qui joue du clavier, qui arrange, il s'appelle Herbie Hancock. Charlie Parker, revu par Herbie Hancock. And Bird gave us this song. They called it A Night in Tunisia, and the melody still lingers on. Together they grew. The music was young and strong, and the melody. Chaka Khan and the Melody Still Lingers On. C'était l'hommage de... C'était l'hommage de d'Herbie Hancock et de Chaka Khan à cet immense musicien qui était Charlie Parker. Merci André Manoukian pour cette découverte. Et vous pouvez retrouver évidemment tous les disques qu'on diffuse dans cette émission sur franceinter.fr. Car oui, vous êtes à la bonne adresse sur France Inter. Pardon oui, Charline, vous avez cherché Mordextase, ça s'appelle Epectase. Et Mort de Rire, on n'a pas trouvé. On n'a pas, trouvé. On cherche hashtag annule tout. Voilà, sur Twitter, bah non, si vous avez la réponse. Faire, nos auditeurs sont plus malins que nous. Hein. C'est pour nous ça sommes nous en compagnie de Samir Bouadi. Vous jouez le CV à partir du mois de juin. Ce sera au Palais des Glaces. Ouais. Et alors là, il y a un autre humoriste. Je ne sais pas pourquoi autre, parce que vous n'êtes pas humoriste. Non, j'essaye. Mais vous êtes drôle. Mais vous êtes drôle. Mais vous êtes rigolo, oui. Voilà. Guillaume Meurice, qui n'est pas là cette semaine, mais on va rediffuser. Il a diffusé un reportage, il fait du comic d'investigation, voulez. Et là, il a investigué au Conseil national de l'UMP. Du lourd, il y a un gros casting à son micro. On propose de le réécouter. Figurez-vous que moi, le week-end, je m'éclate. Je suis allé au Conseil national de l'UMP qui se tenait à la Mutualité à Paris. Tous les pontes de l'UMP étaient là, tous. C'est bien simple, on se serait cru dans la cour de promenade de Fleury-Mérogis dans 10 ans. Il y avait également, c'est vrai. Hein, il y avait également bien sûr des militants UMP, des jeunes militants qui venaient pour choisir leur candidat. D'entendre les propositions des uns et des autres, notamment de Nicolas Sarkozy, d'Alain Juppé et de Nathalie Kosciusko-Morizet qui pour moi sont les piliers de notre formation politique. D'accord, et là vous avez entendu Alain Juppé, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Non, je ne l'ai pas entendu. Ah, il vient de parler ? Oui, non mais j'étais pas dans la salle. Ouais, donc ça commence mal. Et NKM ? Je viens d'arriver, je vous dis, donc... Ouais, donc petit problème de timing, c'est vrai que les montres c'est plutôt du côté du PS et de Julien Drey, mais c'est pas le seul problème que l'on rencontre chez les militants de l'UMP, ce parti désormais tourné vers l'unité. Quand vous dites unité, ça veut dire que vous n'avez pas entendu les sifflets dans la salle quand Alain Juppé s'est présenté ? On s'est pas entendu. Vous avez les oreilles bouchées ? Non, j'étais à côté de lui, on les a pas entendus. Et si c'est des sifflets, c'était une maladresse. Une maladresse ? Je sais pas. Des sifflets pour lui ou pour un autre. François Fillon est rentré aussi en même temps de l'autre côté, donc bon. Ah, c'était peut-être pour François Fillon ? Je sais pas. Ouais, donc petit problème d'audition, de vue et d'honnêteté intellectuelle également, a priori. Mais l'important ce week-end, c'était l'unité. L'UMP, c'est qu'un parti assez large. On peut avoir des concordances de vues, on peut avoir des divisions, mais il faut respecter chacun. Voilà. Donc vous êtes unis dans la division et divisés dans l'union, si vous voulez. Oui, enfin, je ne veux pas, je constate. Et on attendait que Nicolas Sarkozy remette de l'ordre dans tout ça. Qu'en fut-il ? Demandons à un ancien ministre, celui de la coopération, Jacques Godfrin. Eh bien, il a vraiment fait un discours de patron et un discours de président. Et en plus, il n'était pas rémunéré pour celui-là. Vous savez... Se faire rémunérer, moi si je pouvais faire une conférence en étant rémunéré, je vous assure que je ne cracherais pas dessus. Mais par exemple, est-ce que quelqu'un va rémunérer Hollande pour qu'il fasse une conférence ? Personne, parce que tout le monde s'en fout. Vous iriez à Abu Dhabi faire une conférence ? Je ne suis pas vendu parce que personne n'a vraiment voulu m'acheter jusqu'à présent. Ah bah vous êtes comme Hollande alors finalement ? Peut-être. Ce serait le seul point commun que j'aurais avec lui, mais enfin... Vous êtes aussi nul que lui ? Écoutez, je vais vous faire un procès si vous dites ça. Ah bah c'est vous qui me l'avez dit, vous m'avez dit Hollande, personne ne demande son avis parce qu'il est nul. Après vous me dites, personne ne me demande mon avis. J'en déduis que vous êtes nul. Non, personne ne veut me payer, c'est ça ? Ah oui, ouais, c'est vrai qu'à l'UMP, ça tourne souvent autour du pognon. Et puisqu'on en parle, je suis également allé voir le trésorier de l'UMP, Daniel Fasquelle. Est-ce que vous n'avez pas peur, parce que vous avez vu tout ce qui arrive à tous les anciens trésoriers ? Non, parce que je fais très attention à tout. Mais les autres avaient dit ça avant, c'est pour ça. Non, enfin, à tous les cas, moi, je suis très serein. J'ai pas envie que vous vous retrouviez en prison. Et moi non plus. Mais s'agissant de ces journées, on a fait très attention à chaque euro dépensé. Donc, on est sûr que c'est pas Big Malion qui a organisé ce soir. Alors, ça n'est certainement pas Big Malion qui a organisé cette journée. Et je peux vous assurer qu'on a fait attention à tout. Je vais vous donner un exemple. Dans les années précédentes, on utilisait des boîtiers électroniques pour le vote. Eh bien, on a utilisé des cartons de couleur. Ça a fonctionné aussi bien. Et ça a permis d'économiser 17 000 euros. Vous voyez qu'on a vraiment fait attention à tout. Ah ouais, mais c'est la loose, là. Comme vous passez pour un parti de pauvres maintenant. Non, on passe pour un parti sobre. Eh oui, un parti sobre, ça c'est vrai que c'est nouveau. Et même dans son discours, Nicolas Sarkozy s'est évertué à rester sobre. Bon, physiquement, il a eu du mal, hein. On aurait dit un parkinsonien dans une camisole de force. Mais le ton était posé, limite austère. Allons voir Brice Hortefeux, qui lui aussi était venu écouter tous les possibles futurs candidats. Je suis ami et attentif aux trois. Mais engagé sans état d'âme aux côtés de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous avez prévu de lui écrire quelques discours ? Visiblement, il en a pas besoin, il les écrit très bien tout seul. Mais ils sont pas assez drôles, et vous, merci. Vous êtes humoriste. Allez, merci. Une petite blague sur les Auvergnats. Allez, merci beaucoup. Non, pas de blague, pas de blague. Oh là sobriété, là, on vous dit sobriété. Fini, et puisqu'on parle sobriété, terminons avec la spécialiste de la sobriété à l'UMP, Nadine Morano. Madame Morano, est-ce que vous êtes réconciliée avec votre copain Nicolas? Mais pour être réconciliée, il faut être fâchée. Bon, on l'a su, vous étiez un peu fâchée. Non, on a une divergence de vues. Attention, il y a une caméra, on va voir que vous mentez. Ça, vous adoreriez. Et là, ça vous... Je sens que ça vous titille quand je vous dis... Mais non, mais on s'aime plus que jamais. Alors là, ça vous plaît, là. Oh, regardez. J'ai un début d'érection. Mais vous êtes sur France Inter et vous dites des trucs, c'est grave. Payé avec les impôts des Français. C'est... Et les votes, j'espère que vous les payez quand même. Et vous êtes toujours dans des trucs stratosphériques qui n'intéressent pas les Français. Alors, Nadine Morano, qui te dit que tu es dans des trucs stratosphériques, c'est un peu comme si Nabila te dit que t'es trop con. Hein, moi, c'est un peu pareil. Quant à ce qui n'intéresse absolument pas les Français, elle sait de quoi elle parle, puisqu'elle bosse à l'UMP, un parti qui n'intéresse absolument plus les Français. Guillaume Meurice, que vous pourrez voir en chair et en blague, vendredi et samedi à Saint-Riquier, c'est près de Gap, au théâtre Le Préau. Allez, on est ensemble jusqu'à 18h avec Samir Bouadi et sous les pavés, l'actualité. On va voir le deuxième sujet avec vous. Le Sénat veut moderniser son image. Attention, ça dépote, hein. Attention. L'absentéisme sera sanctionné. Il faut avoir raté au moins la moitié des séances sur un trimestre pour avoir une mauvaise note sur son bulletin du troisième trimestre, donc, c'est-à-dire voir son indemnité diminué de 700 euros à peu près. Beaucoup d'absents au Sénat, hein, mais nous, on a une explication. J'ai créé un être nouveau. Invisible. Comment avez-vous donc réussi? Au début, je ne cherchais qu'à comprendre et à étudier les phénomènes de transparence. Et puis, le résultat a dépassé mes espoirs. Cet homme invisible, j'espère qu'il n'est pas dangereux. Ce n'est pas un animal. Non, non. Il est intelligent. Il raisonne. Il sait lire. Voilà, incroyable. C'est un effet non invisible comme l'a trouvé Juliette Arnaud. Alors le président du Sénat, Gérard Larcher, attention, il se verrait bien, c'est dans Libération ce matin, ça m'a fait ma journée moi, Juliette idem, vous aussi, hein, idem. Hein, pareil. Hein. J'ai ri. Gérard Larcher a dit qu'il se verrait bien dans la grille des programmes du mardi sur France 3, une respiration avant question pour un champion. Ouais, il est formidable. Vu que l'Assemblée, moi je dis, a voté la sédation profonde et continue hier pour la fin de vie, je pense que là c'est autorisé. C'est, on va dire, c'est magique quand même. Ouais, mais c'est peut-être aussi ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait ils sont frités il n'y a pas longtemps avec Bartolone, voilà, et je pense surtout ce qu'il est en train de, bah, il a compris que le Sénat c'est chaud pour eux quoi, c'est-à-dire ah que oui. Ah, bah, de le bicamérisme et tout ça, c'est des choses qui peuvent changer, qui peuvent évoluer. Ils sont bi, hein, là-bas. Bah, ils sont tous bicaméristes. Qui veulent montrer qu'ils travaillent. C'est ça, voilà, il y a dire. Ça, et finalement lui, moi je suis assez d'accord avec cette idée-là, c'est-à-dire de. Vous voulez foutre France 3 en l'air, là, voilà, en gros c'est ça. En gros, c'est de bouger les gens. Ouais. Moi je sais un truc, c'est que moi si je vais pas travailler, je suis pas payé. C'est-à-dire que la vie que je mène, mais que certains mènent ici autour de cette table, elle est très simple. C'est que moi, si je bosse pas, malade ou pas malade, si je bosse pas, je suis pas payé. Sans forcément avoir davantage extra-légaux comme les sénateurs. Voilà. Donc pourquoi pas leur mettre un coup de pied aux fesses? Mais ceci étant dit, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que voilà, on a affaire aussi à une catégorie de gens, on a affaire à un monde qui est totalement, mais alors pour le coup, c'est un autre monde. Il faut aller au Sénat. Moi, je suis allé au Sénat. Moi, j'ai déjeuné au Sénat. Il faut voir les gens. Il faut voir ces gens. Il faut les approcher quand même. Parce qu'on parlait de l'homme invisible, tout ça, c'est fascinant. On est face vraiment à des gens qui ne vivent pas du tout sur la même terre que nous, sur la même planète. Enfin, en tous les cas, moi, je ne vis pas sur leur planète à vue. C'est-à-dire que je comprends, moi, si on m'avait donné, pour le coup, autant de privilèges et autant de facilité, je sais pas. Alors dedans, il y a forcément des bosseurs, des gens très impliqués, des gens qui ont le sens du service, enfin du public et machin, de la chose publique. Il y en a heureusement. Mais c'est vrai que leur dire si tu vas pas bosser, on te paye pas. En même temps, il y a tellement de gens qui sont croulants aussi chez eux. L'idée de se déplacer physiquement, il y a peut-être un truc à faire par Skype. Enfin, j'en sais rien. Ouais, c'est vrai, j'ai raison. C'est une idée. C'est bon la cantine du Sénat. C'est plutôt très bien. Ouais, j'ai été invité par une amie sénatrice, c'est très bien. Mais moi, je crois vraiment que le vrai problème, et c'est là où Gérard Larcher est plutôt encore une fois un monsieur brillant, très très drôle, c'est qu'en fait le problème, c'est que le Sénat est voilà, bon, c'est chaud quand même pour eux. Et oui, donc moderniser pour survivre en quelque sorte. Voilà. Juliette Arnaud, vous êtes pleine de vie pour cette première chronique. Nous, on est chaud bouillant pour on vous est écouter. Comme des oufs. Allez, moi aussi. On est à fond. On vous comme un ouf. Alors. Il n'y a pas de jingle, mais vous pouvez mettre votre casque. Non, mais j'attendais. Tout comme les pros. Ah si, c'est bien. Une petite chanteuse belge. Ah, on adore. Paris s'éveille. qui est Anne Wiazemski, l'auteur donc de Un an plus tard. Alors, on pourrait dire, pour aller vite, qu'en 68, époque du récit, elle a 20 ans, qu'elle a débuté comme actrice avec Bresson, encouragée par son papy François Mauriac, hein, ça calme, ah ouais, qu'elle vient d'épouser Jean-Luc Godard, qu'un de ses potes s'appelle Daniel Cohn-Bendit, qu'un jour, pendant que John Lennon et son mari s'engueulent et pour leur échapper, elle partage un thé sous la table avec Paul McCartney, qu'elle assiste à la création en studio du titre mythique des Rolling Stones, Sympathy for the Devil, et qu'il lui arrive de discuter et travailler avec Moravia, mais aussi Pasolini et Bertolucci. Alors, on pourrait faire ce résumé, mais ça ne saurait pas rendre justice ni au livre ni à l'auteur. Parce qu'Anne Wiazemski ne fait pas qu'égrener des souvenirs du fameux millésime 68, les barricades, la France sans dessus-dessous, la révolte des étudiants des ouvriers, le festival de Cannes, annulé, le baccalauréat, qu'on passera qu'à l'oral, c'est ma maman, tout en rajoutant toutes les célébrités qui sont ses proches. Elle réussit cette chose périlleuse et touchante quand ça réussit. Elle raconte comme si elle avait vraiment 20 ans au moment de l'écriture. Alors ça fait qu'on est, qu'on se sent jeune avec elle, enthousiaste avec elle et amoureux avec elle. Là où ça se complique, et surtout dans mon cas, c'est qu'elle est amoureuse de Jean-Luc Godard et que je n'ai pas tant d'imagination. Mais n'ergotons pas, puisque le livre nous fait le récit d'une révolution qui fait pchit, comme son mariage d'ailleurs. C'est même en partie à cause de 68 que les choses semblent se tendre entre Anne et Jean-Luc. Il est passionné par toutes les nouvelles options politiques, toutes les nouvelles idées, toutes les remises en question nécessaires, selon lui. Ainsi, il pense que le cinéma est mort, hein, et qu'il n'est plus du tout sûr de vouloir continuer à en faire. Bon, bah, il a changé d'avis. Elle lui répond qu'elle est tombée amoureuse d'un cinéaste de génie et pas d'un commissaire politique. Il faut dire que, vu de la France de 2015, c'est un peu ahurissant la manière dont Jean-Luc Godard s'enflamme, jusqu'à ce que parfois ça frise carrément le ridicule et nous rappelle la marotte d'une autre star caractérielle, le chanteur Prince, à l'époque où il voulait plus qu'on l'appelle Prince. Mais ah oui, oui, c'est juste. The man, Love Symbol. Voilà. Ah, Love Symbol, oui. Mais écoutez plutôt. Alors, je vous lis un extrait du livre. La fin de l'année approchait. Ni Jean-Luc ni moi n'aimions cette période dite défaite. Lui s'affairait à préparer avec Jean-Jacques son tournage en Angleterre auquel je ne participerais pas. Il avait décidé de ne plus signer ses futurs films de son seul nom, mais du nom collectif Ziga Vertov. Ah, un collectif constitué de deux personnes me semblait relever du domaine de la plaisanterie. Ou d'un caprice passager, je me trompais. Doit-on t'appeler Jean-Luc ex-Godard ? Avait demandé Cournot lors d'un de nos rares rendez-vous. Bonne idée, avait répliqué Jean-Luc sur un ton sinistre. Ce même Michel Cournot, ami du couple, journaliste, critique et réalisateur, qui va découvrir très, très brutalement les événements, comme on disait à l'époque, brutalement pour lui, mais alors très drôlement pour nous, lecteurs. Je vais vous lire à nouveau un extrait. Ça se passe le 11 mai 1968, c'est au petit matin, il vient d'y avoir une nuit d'émeute épouvantable dans le quartier latin, qui est le quartier où vivent Godard et Anne. Ouais. La porte sonne, ils ouvrent, c'est Cournot, je vous lis. Comme la plupart des jours de la semaine, il avait quitté sa maison de Sceaux un peu avant 7 heures pour se rendre à Paris. Mais en sortant de la station Luxembourg, place Edmond Rostand, il n'avait rien reconnu du paysage habituel qui s'offrait à lui. Tout était dévasté, des carcasses de voitures incendiées encombraient la place et les rues adjacentes au milieu des lampadaires au sol, de meubles en partie brûlés et de multiples objets inidentifiables. Il nous fixa avec des yeux suppliants. « J'ai le sentiment d'être fou, d'avoir pris de l'acide sans le savoir. Ou que c'est la guerre. Mais la guerre entre qui et qui? Et pourquoi? Vous n'habitez pas loin, alors je suis venue pour que vous me disiez si je suis fou, si j'ai des hallucinations. » En fait, Michel Cournot et sa femme, Nella, vivaient sans radio et sans télévision. Et en grand rêveur qu'il était, c'est à peine s'il se tenait au courant de ce qui se passait en France. Bref, pour ceux qui n'aiment pas spécialement Godard, eh ben, ils l'aimeront pas beaucoup plus en finissant ce livre. Mais entre-temps, ils auront découvert l'écrivain Anne Wiazemski et ils en seront forcément un petit peu tombés amoureux. Et puis, il n'est pas complètement idiot à notre époque de bruyer de fureur, de se rappeler à un autre temps où les générations se heurtèrent violemment, si violemment qu'elles en semblèrent irréconciliables. Et finalement, comme le dit Anne, un an plus tard, on continue encore les uns avec les autres. Merci Juliette Arnoux. Rappelez les références du livre que vous avez donné envie de lire, évidemment. Alors, ah oui. Ça s'appelle Un an après, c'est chez Gallimard, NRF, et c'est Anne Wiazemski, avec un W, un Z, et un K et un Y. Et tout ça, évidemment, on mettra sur franceinter.fr pour que vous puissiez retrouver le choix littéraire évidemment. De Juliette Arnoux. Allez, on passe au troisième sujet. Samir Paris, Wadi, vous êtes chaud Oui, ah, c'est ça, vous êtes chaud. Troisième sujet, le PSG a donc vaincu Chelsea par match nul. Et à 10 contre 11. Oui, absolument. C'est ça, c'est vrai. C'est ce que j'ai compris. À moins que ce ne soit le Qatar et la Russie qui ont fait 2-2 hier soir, si je compte les financements des clubs. Je ne me trompe pas jusque-là. Oui, non, c'est, hein, c'est un peu ça. Hein. Ouais. La victoire de Paris, moi, c'est ce que j'ai compris en voyant la une de l'équipe aujourd'hui, hein, qui titre héroïque, ou en écoutant France Bleu hier soir, avec un commentaire impartial et aussi un fair play tout britannique. Ce qui participe, et c'est oui, terminé. C'est terminé. Oh, putain. Le Paris Saint-Germain se qualifie. Pardon. En quart de finale de Ligue des Champions et fait tomber un comme il le mérite. Comme il le mérite. Genou à terre. Comme il le mérite. Chelsea. Hey, don't do that. Don't do that. Don't do that, man. Don't do that. Don't do that. Voilà. Don't do that, don't do that. Arrête, arrête, Bruno. Don't do that, ok? Go away. On vient bousculer la presse française. Go away. C'est bon. Ça va très bien. C'est un petit peu chaud, vous l'avez compris, 2-2. Ouais, ouais. Pas l'habitude. C'est magnifique. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ouf. Notre réalisateur David Jacquemovès a écouté hier soir France Bleu, le match sur France Bleu, et voilà ce qu'il a pêché. Ah oui, c'est énorme. Ils sont un petit peu disputés entre cabines de commentateurs. C'est, voilà. Non, c'est Chirac. Don't douzat. On vient bousculer la presse française, ce que je voulais vous dire, moi. Pas bien. Moi, je vais laisser un petit peu le sujet à Alex Vizorek parce que j'ai pas tout compris. Alors, ce matin, Charline me dit, mais en quoi c'est si exceptionnel? Voilà, je comprends. Il va vous l'expliquer. C'est exceptionnel parce que, comme dirait René Char, à chaque effondrement des preuves, le poète répond par une salve d'avenir. Il s'est passé hier un truc qui, de temps en temps, arrive dans le sport. D'un seul coup, on ne se fait plus chier. Et des milliardaires en short ont décidé de se rappeler qu'ils furent, il y a fort longtemps, de petits bambins passionnés et amoureux des autres. Et décident d'en prendre main leur destin. Alors, l'histoire, de manière plus technique, mais moi, je ne suis pas Johan Micou, ni Marc Libra, ni Vincent Guérin, mes copains d'équipe 21 que j'embrasse. Mais vous êtes un passionné de foot. Mais oui, ça m'intéresse quand on se décale et qu'on regarde tout ça. Moi, je m'intéresse beaucoup au foot aussi parce que j'ai un très très proche qui s'appelle Lionel Rosso et qui me donnait aussi de virus. C'est grâce à lui, d'ailleurs, je suis en face de vous, parce que c'est lui qui m'a fait un peu bouger dans ce domaine-là. Bref, je reviens au match. Le match, c'est quoi? C'est un personnage haut en couleur, qui est vraiment une sensation, qui s'appelle Ibrahimovic, à qui Mourinho a tendu la perche en disant, de toute façon, ce mec fait des fautes, et forcément, il va faire une connerie, et il va sauter à la 20e, il a sauté à la 32e. Mourinho était assez intelligent pour faire une prophétie auto-réalisatrice. Ça a fonctionné très très bien. L'histoire, c'est que quand tu te retrouves à 10 contre 11, t'as un peu moins l'air con si tu perds. Et à partir de cette notion de liberté potentielle, de réappropriation du rêve, on se dit de toute manière, c'est foutu, alors foutu pour foutu, on va arrêter de se reposer sur quelqu'un qui a pas beaucoup d'attention et beaucoup les ballons, et on va jouer au foot. Et avec quelque chose qui est très intéressant, c'est des gens qui se lâchent et qui ne sont plus en train de se regarder faire. Et ça rejoint ce qu'on disait en début d'émission, c'est-à-dire qu'un grand musicien, un grand comédien, c'est quelqu'un qui se cache derrière ce qu'il fait et qui n'est plus en train de se la raconter, mais qui raconte une histoire, qui tente d'avancer dans cette chose-là en s'oubliant. C'est soi. Beau, je vais presque aimer le foot, Samir Boisi. C'est-à-dire, mais oui, mais c'est-à-dire que le sport, quel qu'il soit, le foot comme un autre, c'est il y a un moment donné quand l'abandon de soi, quand l'envie de partager et d'avancer, ce que faisait par exemple Michel Platini, c'est-à-dire l'espèce de dimension ultime du foot qui devient une chorégraphie improvisée avec un scénario qui s'écrit en permanence et dans le temps. Voilà, donc il s'est passé hier un truc bien extraordinaire, on s'est pas fait chier. Et puis en plus, ça se trouve, il a fait exprès. Et en plus, c'est non, possible. Voilà. Je pense que cet homme est tout sauf un imbécile. Certes. Et que si ça se trouve, il s'est dit le seul moyen que mes potos jouent bien, c'est que je ne sois plus là. Il va falloir que tu écrives des romans. Oui. Voilà, j'ai tout compris et avec bien, passion. Tu dois très bien les écrire aussi. Incroyable. Allez, dernière petite revue de presse, Alex Vizorek. J'ai du lourd. Oui. What do you want? Yes. No problem. Needs a no. Oui. This is not a method. News au kilo. There is a bit more. Vous le mets? Et vous avez regardé le JT en Belgique, Alex? Eh oui, que j'ai été bien inspiré. Il se passe des choses graves chez nous. Écoutez le lancement du présentateur au 19h d'RTL, qui est le journal le plus regardé de Belgique. Que s'est-il passé à Liège? Depuis quelques jours, plusieurs habitants de la région se plaignent d'une odeur pestilentielle. Une odeur, précise même certains, d'urine de chat. Rien de toxique apparemment, mais c'est quand même assez gênant. Vincent Jamoul et Denis Strel, qui ont le nez très fin, ont donc mené l'enquête. Vous voyez, bah ça donne envie. Il y a du suspense, il y a du suspense. Ça a l'air grave aussi. C'est grave, ouais. Je ne vous le fais pas dire. Mais avec un sujet comme ça, on sait qu'il risque d'avoir du lol. Car le problème vient d'un zoning industriel non loin, mais on ne sait pas exactement quelle usine. Voilà, on voit cette odeur, il faut donc enquêter. Ici, le patron admet qu'il produit parfois des odeurs désagréables. De l'œuf pourri, pas du pipi de chat. Pas de chance, pas de chance. Ouais. Bah oui, évidemment, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, évidemment, je ne vous fais pas dire. Oui. Mais ouais. Le vrai plaisir des reportages à Liège, ce sont les Liégeois. Et sur un sujet comme celui-ci, c'est open bar, petit florilège des riverains. J'aime encore mieux de sortir le crottin de cheval ou la plate de vache que de sortir cette affaire-là. Hein. Même à l'intérieur, avec les portes, les fenêtres fermées, ça pue. Pue le marcou. Je ne saurais pas le dire autrement. Le marcou? Oui, le marcou, ce sont des chats qui sont en chaleur. Eh bien, ça pue le chat en chaleur. C'est dégueulasse. Voilà, j'ai rien à vous proposer de plus, mais je pense que c'est le top. C'est voilà, et c'est comme ça qu'on va achever cette émission. Ça pue le marcou. Et pourtant, Samir Bouadi a tout fait. Juliette Arnaud et André Manoukian avaient mis le niveau là, au-dessus. Et voilà. J'ai encore allez, allez voir Samir Bouadi, la reprise de la pièce de avec Samir Bouadi et Bruno Moineau au Palais des Glaces à partir du mois de juin, le CV. Et tous les week-ends, donc, à l'équipe. Ah, bien sûr. Présenté par Benoît Cosset avec une équipe formidable de gens passionnés. L'équipe pour 21, le vrai. Chaque samedi et dimanche soir. Allez, le mot de la fin avec les cris de victoire de supporters du PSG. Oh, yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Oh! Oh! Oh, yes!